Oui, bonjour. Voilà, on vient de se connecter. Il y a... Que je vérifie d'abord sur quelques amis qui viennent de rentrer sur Facebook. Volume, ça va? Son, plutôt, ça va? Oh, la yoyo, moutoumou aussi. Aide-moi, mon ami, est-ce que vous m'entendez bien? Sur Facebook. Ah, yo. Vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Sur Facebook. Oui. Aidez-moi rapidement sur Facebook. Vous m'entendez bien? Oui, merci beaucoup. Merci, merci. 5 sur 5. OK, merci. Voilà, merci, merci les amis sur Facebook. OK, merci, yo, moi aussi. Sur YouTube, je pense que ça va. Il n'y a pas un problème. All right. OK. Nous venons juste rapidement réagir à chaud sur ce qui se passe actuellement au Mali et voir un peu. Comment est-ce que les Maliens sont arrivés là et qu'est-ce qu'il faut pour les Congos? Parce qu'en Afrique, souvent, on se copie. Donc, la période des indépendances, vous avez vu que ça s'est succédé pays par pays et avec le vent de la perestroïka, les événements aussi se sont succédés pays par pays. Et des conférences nationales souveraines, c'était aussi la même chose. Et voilà. Bon, je ne suis pas un spécialiste du Mali, mais depuis cette crise, nous tentons de suivre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ils ont tenté de négocier, donc entre le président Keïta, les groupes du président Keïta, donc FCC Nabangoa, hein? Donc FCC Yamali, et na opposition au Ezala qui est incarné par un imam, père y a éveil patriotique, le vrai éveil patriotique. Et tout ce qui se passe, mais événement, nous sommes où il est en Afrique. Congo, Père Zalanakate, mais Congo a copié un événement en Amabé. Donc, au Congo, y a toujours pas de résultat où il y a Batubakoyi causé là. Donc, la Mali, Tomoni, un imam qui a incarné le mouvement de la contestation de la rue. Et Tomoni imam wana a l'imbité. Naba fidèle naye. Babandi mouvement wana. Babandi ba marche. Babandi ba ville morte. Babandi ba action na bango. Ba l'imbité directement ti bakeyi ti nasuka. Mais chez nous au Congo, mouvement nyonso ou eyaka. Eyaka toujours juste pour nous soutenir un leader politique. Non, il y a marche. Il y a marche pour soutenir Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il y a marche. Il y a marche, oui, pour Étienne Tshisekedi, Bongana Premier ministre. Il y a marche, oui, pour Balobi Kuna IDPS, Mwana Tshisekedi Akozwa poste. Il y a marche, oui, Batubazotambula parce qu'il y a Fayulu qui va rentrer au pays. Il y a marche, oui, pour Balobi Kuna INC Kamere Bakangi à Ibimbongo. Il y a marche, oui, pour Balobi que Mwana Yaboye Afingi Première Dame. Il y a marche, non, institution première dame, mais elle est touchée. Voilà, les Congos. Batumsusu Bazali Kozwa, destin na bango na maboko. Batumsusu Bazali ko résister na dictature en place. Mais epayi na biso, Batu Bazali ko résister na crise économique te. Batu Bazali ko résister na éducation à malamu te. Batu Bazali ko résister. Non, non, non, non, non, non. Bah, souhait de santé à Malamouté, bah, tu vas toujours résister parce qu'il y a un leader politique, Oyo, peut-être azali lésé entre na groupe na bango kuna, et alors il faut automatiquement excusez-moi, il y a un son désagréable là, il y a quelqu'un qui est rentré. Excusez-moi, désolé. Il y a quelqu'un qui est rentré juste à partir de sa chambre et rentré dans la télévision. Donc, je suis juste en face de la télévision. Je suis désolé hein, pour les sons désagréables. Voilà, donc je disais que chez nous au Congo, les gens résistent pour nous soutenir bah, leader politique Nabango. Hein? Et Nabandaï Koloba que Batou, par exemple, excusez, je vais arranger un peu. Voilà. Dans un studio, hein? Donc, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, Batou Bazali, qu'on résistait, qu'on marchait, qu'on tambola, qu'on protestait, parce que moi, naya, parce que Moutouboué, j'ai posté, hein? Pour nous soutenir, bon, pour nous prouver dans l'opinion internationale que Moutou Nazali populaire, leader X, Azali Koya, Aouti, Kopé Manapoto. Alors, Azali Kozonga, Batunyo Sona Balabala, Boya ko soutenir ye. Donc, Congolais ye wana. Congolais aye bagate ke Azali na droit ya ndaku, Azali na droit ya komela mai, Azali na droit ya éducation, Azali na droit ya bakisi, Azali na droit ya sécurité. Congolais wana ayebite. Congolais ayebika, est-ce que président na ngai? Est-ce que le président a droit na yazo a poste et allez respecter? Non, Congolais abimi. Est-ce que moi na ya président kuna babeti mbata? Oui, Congolais abimi. Est-ce que moi si ya président ba fingiye? Oui, Congolais abimi. Mais ye moko vi na ye ba droit na ye ayebi yangote. Et mingi mingi na kondana kate parce que nous avons un niveau d'éducation très bas. Voilà, il faut qu'on ye bango. Nous allons na niveau d'éducation moko très bas. Alors niveau ana ezali kotinda batu ba réfléchir malamu te ba comprendre te ba analyser malamu te et niveau ya éducation ana ezali volonté ya peuple congolais te ezali volonté ya ba leader politique na biso ils ont profité ba tanga mwa muke et ba bloquer système ya éducation pour que ba abrutir batu nyonso batu baza na capacité à comprendre te ya koyeba ba droit na bango te. Alors, moto azali kokufa nzala me, azouta kingasani, akei kolala na ndako ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na limete po akenge la Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Comme si Etienne Tshisekedi wa Mulumba azaki na problème ya sécurité. Bana bakei classe T, bana bazana tiki ya ofuta okende classe T, uniforme zate, kaye zate, bike zate, mais mama papa azolongwa makolo alongwe makolo kingasani kasavubu akei musika na eglise ake kotika dime pa pasteur pesa nyonso oza nango nzambe akopesa banda kopesa badime ti lelo nzambe azopesa te nzambe aza kopesa te nzambe apesaka baparese te nzambe apesaka bakouraje nzambe apesaka soki okotika mbongo na yo adime epai escro nzambe akopesa yo te voyez. Des gens comme Batoubazoubi, Manazo Mona Siko, il y a un petit garçon là qui faisait beaucoup de bruit avec Banzondo. Il avait disparu pour une escroquerie, il a disparu parce que Ayebi, Bayebi, ba Congolais, Ndenge Bazalaka. Et voilà, il réapparaît. On appelle comment? Je pense comment? Si c'est Denis, Denis, laisse. Voilà. Il a bougé les Congos. Na escroquerie, na ya Banzondo. Tout le monde après, au finish, a remarqué que non, c'était un escroc. Moutounios a été convaincu que ce gars-là était un escroc. Mais voilà, il disparaît pendant quelques mois, a été réapparaître. Et voilà, c'est les Congolais qui le suivent encore. Alobé a eu la forme, il change de nom. Il y a escroquerie naïe, voilà Congolais na sima naïe, Congolais zali kolandaïe, Congolais zobébi sa méga naïe pour alandaïe. Donc, quand je parlais hier, il faut réformer le système Nabisso-Nyonso. Donc, le Congo, comme pays, il faut qu'on réforme, il faut qu'on fonde, je vais dire, réformer. Parce que réformer, c'est-à-dire qu'il y a une forme, il faut donner encore une autre forme. Alors, ou bien aménager forme. Moi, je dirais que Congo, il faut qu'on forme comme État. Il faut qu'on bande à zéro. Na Mali, tomoni, mouvement dengezali ebande kokende. Cet imam azala ki charlatan, aza charlatan politique te, aya ki pon aventure te, pou aya ko protéger ndeko na ye o azali na présidence te. L'imam là a remarqué souffrance ya population ya Mali. Ba situation ya Mali lokola ya Congo ezali ndenge moko. L'imam a lobi bon natika koran nanga pembeni, tika na telema na meka kosunga population na biso. Parce que si la population souffre, mbongo na bino mabonza badimi na bino kokota te. C'est ce que vos pasteurs, vos charlatans ne comprennent pas. Parce que batu so baza na misala, batu baza na mbongo, batu bazali kozwa mbongo chaque mois. Et bako yana ba église, bako pesa ba dîme na bango. Parce que nous, on croit toujours na Bible oyo ba yela biso. On croit toujours que ovani nanda kuna yo, osali musalate, nzamba ko kweisa. Alors, et tez wana, eye ko bakisa susu, ko pesa susu force na tez ya chance loko pamba. Batu baza susu na force ya okay, na classe te ako tanga. Na okay, na classe pour, na tanga pourquoi? Est-ce que Kabila tanga a komi présidente? Na okay, na classe na tanga pourquoi? Est-ce que Félix a tanga a komi présidente? Na ko sale fort pour anine. Ba na basi parobi na ko vanda nangai, na zana beauté nangai, un jour na okoma première dame. Alors, c'est ça la situation ya mboka na biso. Imam wana aye ko bima lokola ba cha ba aventurier lokola ba mokuna te. Alors, aya ko loba no voilà éveil patriotique. Or éveil patriotique, ezala ki éveil patriotique te, ezala ki éveil tribal. Alors, ceux qui ont bimi, olobi yo za leader ya éveil patriotique. Quand vous êtes leader, c'est-à-dire il y a des acolytes pembeni na yo. Leader abimaka pour a diriger batu. Leadership a même batu. Alors pembeni na yo kozala yo moko singleton te. Pembeni na yo kozala na batu. Un leader ou azomema un mouvement réveil patriotique, il faut koyeba ke réveil patriotique oyo tozali ko sala face na dictature. Na dictature soki bozali ko bondisa yango eloko nyonso ekoki ko surgir à tout moment. Ba koyi ko boma yo. Il faut se préparer soki ba bominga ye, qui va me remplacer? Ce qui n'a eu problème, qui va me remplacer? Mais ba leader oya Congo, vous allez voir Batoloko la Bagizenga, Batoloko la Betien Tshisekedi, azo komi benga leader, et il ne prépare personne. Ce qui a koufi, mouvement n'yo se koufi. Tshisekedi est mort. Qui il a préparé pour le remplacer? Personne. Tu yoko mona banani, tu yoko mona ba Idingwe, tu yoko mona ba Félix, tu yoko mona ba Fils Mokoko, tu yoko mona ba Kaboud, tu yoko mona voilà. Gizenga ye koufa. Qui Gizenga a préparé pour les remplacer? Personne. Tu es comme moi, Naya Solar, Lugi Gizenga, Alandi Yepe, trouble à son âme. Alors, Batu Bamboka, Tozo Monana, Bilarus, Tozo Monana, Mali, mouvement, ce que Bandi, Batu Batika, mouvement, Nzelate. Parce que quand vous déclenchez un mouvement, Bokotika, mouvement, on a ce qui besoin gain de cause. Oya biso ya Congo, 1 heure, 2 heures, mouvement pendant qu'on combatte la intérêt à leader, mouvement ici. Alors, on a vu que ba Malien, ba observé, ba discussion d'engue zali koleka, armée malienne observé, ma kamonenge zoleka, ba le bi, mais non, parce que avant d'abord d'être militaire, tous allez ba citoyen malien, ba militaire, ba salaire est à malamouté, ba na ba zali ko souffrir. Mais Mali, bazali na ba gisement, ya ba iranium, bazali na ba biloko ebele. Mbongo wana ezali ko aider ba français, ezali ko aider ba ya Mali te, peuple malien te. Alors, ba lobi mais non, en tout cas halt, ba kei président Mukamate, premier ministre Mukamate, ba ministre Mukamate. Alors, mais maintenant, tozali ko prier que virus y a africain on a écouté la bangote bas au pouvoir bas s'éterniser d'ango. Moi je pense que mouvement na bango est connu qu'au juste tampon pour que bas au pouvoir na bango bas pesa yango et pas y a bas civil et ce n'est pas n'importe quel civil. Moi je pense que cette classe politique pourrie au basali na pouvoir bandakala basali batako reconsidérer te ya kozwa bangote chercher une nouvelle classe politique. Alors, ces gens-là, oyo ba tchebino na misère wana pendant des années. Baza batu bokoyi ko zongisa te, bo zongisa bango, laissez-les partir, oyo ko discuter, vous les prenez, vous les gardez quelque part avant de kuna na vungule. Mais hélas, virus ya ba africain, okomona bakangi keita, Baroya ko sala gouvernement d'union nationale ou bien gouvernement de transition, bokomo na un fils de Keïta na kati. Bokomo na un ancien ministre na kati. Bokomo na donc c'est le même système qui revient. Vous ne changez rien. Peut-être vous changez Batou, mais le système, l'idéologie, la corruption, le népotisme. Biloko na nyonso ekozonga toujours bokolongola yango te, c'est-à-dire peine perdue. Batou ba kufi pamba, batou ba zoki pamba. Bah, tu vas souffrir, Pamba. Alors, mais maintenant, chez nous au Congo, on nous dit, chez nous au Congo, on nous dit, voilà, Congo, ils allaient ce qui 8e, ce qui 10e puissance, il y a armée en Afrique, vraiment armée où ils allaient 8e parmi les 54 pays africains, bah, ça capable était à quoi de loger, bah, Rwandais, oh, bah, zobo, mabiso, namboka. Mais bazo komisa armée na biso ezali 8e. Mais vous êtes 8e en quoi? Vous êtes 8e, 10e puissance na armée na Afrique en quoi? N'escroquerie na roboto na batu biloko? Na rokote na batu na bandako? Ou bien vous allez puissance africaine na nini? Parce que armée puissance na ngo ezalaka qualité na bino ya service. Qualité à service des alinines. Armée et yaka pour appuyer gouvernement pour nous sécuriser Mboka. Armée et yaka pour nous appuyer gouvernement pour nous faire valoir état de droit. Pour nous faire valoir impérium Yamboka. Moutoumoka koyu ko sazardete a kote nabino na kati ya pays. Moutoumoka ko sazardete a ya ko zwa barichesse nabino. Moutoumoka ko sazardete a zwa pouvoir na makasi. Batoumoko groupe ya deux bandits moko te ba okene na kati ya ferme ba yokani to zwa pouvoir to dirige batoyo et le reste ezwa problème na bisote. Voilà et si ka ba mona ka puissance ya armée ba tere mabalo ba ke non. Faso bozo me melamboka, faso bozo me melabiso, ezali ndengo anate, armée kotele mapo eloba alt. Mais armée na biso oyo d'abord ezali infiltré. Bayeba ki très bien que pour na ko stopper peut-être moi virus moko ekoyi ko kote na bango patriotique na mitu, to sala ndenge nini. To za ba officier militaire oyo bazali ba paya ya Kabila, bandeko ya Kabila, to tcha bango. Parce que okoloba iloko moko te contre Kabila. Parce que si vous osez, bandeko na ye, o bazali na armée, o bazali ko dirige armée, bako telema, bako stoppe mouvement na bino wana. Et voilà, moi na mboka ye okota, on dit que moi na mboka 100% congolais, a ye okota pe na mouvement na COP wana ya étranger, et il ne fait que nommer juste bandeko ya frère na ye Kabila. Alors, est-ce que na Congo tokoyi ko s'attendre à un mouvement lokola ya ba malien par exemple ko loba ke non peuple congolais a souffrir mingi to tcha fin na mouvement o une escroquerie oyo ya deal entre Kabila et Félix qui par exemple parce que na tête ya ba armée na ya armée na biso partout ezali ba étrangers ba to bazali ezali ba to bazali na cause na bango moko ya Rwanda ezali ba to bazali na cause ya Kabila alors nous, on croyait que peut-être, malé, mais ce qui t'osu, moi, n'amboka, quoi, qu'on change ma cambo, oyo. Moi, n'amboka, y a lobby, non, bo zela trop, bo zela, mo kombo soit zela, mo kila yakate. Ngaï na Kabila toko kabonate. Système ya Kabila, ngana rolongo la yangote. Nako fouine na passete. Nako kipe ma cambo ya Kabila salate. Moi, je dirige avec mon frère Kabila. Alors, ce que je me demande, na lelo, moi, je ne comprends pas qui a classé ces armées africaines, bah, ils ont classé armée congolaise, elles à la 8e puissance en Afrique, ou bien, bah, lobby, il semblerait qu'elles aient 72e dans le monde. Ah! Vraiment, dans ce débat, critère nini bazui, armée à Congo, elles aient 72e dans le monde, dans ma case. Alors, ma case, on a prouvé en gros, wapi. Ma question n'a pas prouvé en gros nanini. Parce que aujourd'hui, un Burundais, un Ougandais, un Rwandais, a koyi kozwa même pistolet à Pamba. Pistolet moko ya Pamba, à côté na mboka nyosa Congo. Bana mboka Congo bako kima. Armée congolaise, bango d'abord bako s'étaler comme des lapins. Alors, puissance wana bazali, une puissante armée en Afrique, ou bien 72e na monde, na zebate ezali nanini. Et donc, à bref, donc, réaction à Bissot à chaud pour la Makambo Italie Malib. Félicitations à peuple malien. Nous condamnons ba coup d'État. Tous les qui condamné ba coup d'État. Mais qu'est-ce qui provoque ba coup d'État ya ndengwana? Yo vous allez na pouvoir depuis bané. Mon frère, ozu bambongo famille na yo ekomi malamu, ba yebio okomi na histoire. Salamu salamu malamu, bongisa mboka na yo malamu. Alors, natango moni ke manda na yo oyo ba pesio na mibeko o bino moko bosala e koki, mon frère, retire-toi en paix kende ko vanda. Kende ko vanda, okokoma siko consultant. Alors, yo ozali ko santete, olingi ko longwate. Yo okomisi mboka na pays ya etni na yo. Mboka wana ekomi mboka ya etni na yo. Famille présidentielle. Laissez passer, famille présidentielle. Ba salon, y a aéroport national, et comme il y a salon privé, il y a famille présidentielle. Vous allez voir la banque, vous allez voir Mbongo, vous allez famille présidentielle. Ethnie na yo, et comme il y a juste royaume. Moutounion, so o azali moutoua ethnie na yo, a komi moutoumoussou sa koyiko loba elo ko mokote. Donc, vous allez remarquer que, par exemple, le cas du Congo, ou bien dans la bande Kolobaka ya Mali, Moutounion, so o azali proche ya famille ya Keïta, azali président de la République, ba intouchable. Alors, batou, namitou na bango esprit, ya kolongola ya ko utiliser article 64, na yebite na Mali, kuna ezali article nini, ba ko appliquer yango. L'armée malienne juste y appliquer l'article 64 na kaya Congo kuna na pana bango na yebite article 64 parce que même tetutesse yango ezalaka batu bazo protester batu bakufi batu bazo zoka batu bazo souffrir mon frère demande pardon ce qui bere ezalaki modifie tika pouvoir kende ko vanda c'est la même chose au Congo. Ba etni, ba tribu na bango bazali ko pesa bango mutu makasi. Na kana biso na Congo, Félix croit azali na voie ya malamu. Parce que bandeko na ye bazali ko soutenir ye. Bandeko na ye bazali ko yebisa ye ozali beton. Bandeko na ye bazali ko yebisa ye musale zo sala malamu. Ye pe mutu ezo ko munene azo kanisa ke musale za malamu. Na tangu tuza koloba. Hey, ça ne va pas. Changer. Dollar yango yo 20 000. Bozo le belango soute fachi beton a kiti dollar. Ça fait combien de zères? Fachi a kiti dollar. Hey, social eza malamute. Bana, bazo lia malamute. Ba para bazo futa mate. Batu bazana banda kwa malamute. Ma eza malamute. Ba mbongo ezo bima. Yo moko na présidence na yo. Na présidence na yo o utilise 90% ya budget ya mbula mobimba o utilise ngo na mwa moko. Bato bazolo baiza boyete badirishaka. Mutu makasi, bandeko na yo bazo apuye yo, ozana nzela malamu. Bato oyo bazali koloba, bazo atake bango. Me lobi so yo ki, un citoyen kouraje a utilise article 64. Bokole na mounoko mboka ou bie bole na mounoko nini. Parce que na Mali, c'est comme ça, bato wana yi koloba. Ba Mali ya bazali na diaspora, bazali ikoloba. Ba Mali ya bazali na kati ya mboka, bazali ikoloba. Ba telemi, ba tamboli, ba saliba mouvuma. Mais, président na etni na ye. Donc, toloba, président na ba luba na ye. Président ya Mali, na ba luba na ye. Teti. Teti. Président za nzela malamu. Lelo ye wana bazo memaye, bake ko chaye na mwanda ku ya 1 mètre carré. Des gens comme de Keïta, bazali ba sorcier, bazali ba tukoyi ko tika na vite. Parce que il a toujours des affinités na bato nsusu. Na kati armé wana azali na bato na ye pe balandaka ye. Quand vous le prenez, vous le mettez na kati ndako moko to surveiller, attention. Attention na ba province nsusu ya Mali. Bato oyo bazali bato na ye ba ko réagir ndenge nini. Donc batu lokola ba Keïta na Mali, batu lokola ba Félix na Congo, batu lokola ba Kabila, bazali batu bokoyi kozwa te to bolo bakeno to garder ye. Non, bo garder ye te. Parce que Kabila les Rwandais viendront toujours les défendre. Félix ba we wa bagoya. C'est une personne quand vous le maîtrisez comme ça, vous demandez pardon à Dieu. Vous voyez bien en tout cas, non, vous demandez pardon à Satan. Satan s'il vous plaît, zwa ekela monayo. Basali batu wakoyiko gardete. Alors, tu es comme on en a Congo, dictature nord-coréenne, na modèle ya Nord-Corée, ya Nord-Corée, ils allaient qu'on s'installer malembe malembe dans Bokanabisto. Batu bazali qu'on se rendre compte n'angoté. Dictature. La dictature ya Kabila, ils allaient qui azo terroriser ba politiciens. Azo terroriser ba politiciens. Mais biso nyonso, Kobanda Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ko ya na famille biologique ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Biso nyonso nangai mutu na zolo belabino. Nous avons insulté Kabila. Nous avons insulté mwasi na ye Olive. Et pourtant, mwasi ya Olive, ya Kabila Zali, une Congolaise 100%. Une Congolaise 100%. Mabele wana ya Congo, ezali mabele ya Olive Lembe. Mais, elle s'est mariée na mutu oyo aye ko détruire mboka na biso to sangisiye. Félix a insulté Kabila. Félix a insulté la femme de Kabila. Biso nyonso na bino ba beau-frère, on a insulté. Lelo e komi mutu soki a lobeli kaka. La Rwandaise Nyakeru. Outrage à l'institution première dame. Na bandi ko tanga constitution lobby na bandi na feyete na moni institution première dame te. Na moni institution première dame te. Nani atombo la musapi na yi de pes ba wewa le beau frère biso nyonso nani atombo la musapi mutu moko alobaki mabe ya Olive Lembe te. Nani atombo la musapi. Moi, je pense que lelo oyo, makambo oyo, biso tozalai kosala. Et pas ya Kabila. Et pas ya Mobutu. Lelo, ceux qui basali bino ango, bozali batwa kopesa leçon te que outrage na chef de l'État, outrage na institution première dame. Ceux qui vraiment bozali na bongo, bozali batwa, vous êtes des humains. Mais na yebi ki bozali ba clone. Mémoire exaltée. Introspection. Étape wana exaltée. Nayebi yango très bien. Nous faisons face à ba clone. Moi, je ne prends pas parti. Il y a escroc wana mususu, voleur wana, vous l'appelez Ngoyika Sandji. Histoire Nayebeli Nangoika San, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. Nayebi que c'est un gars. Oyo, Moutounio, son akasai, o abandai ko lokota diama, yesoke a yoki yango, akotinda batu naye, babotoli diama, babomi moutouana. Mais bozali batu moko. La famille Ngoika San, la famille Tshisekedi, bazali ba famille ya même plumage, bazali bescro. Ngoika Sanje skrokeri na ye na ba diamant. Na business. Chisami Tshisekedi de skrokeri na bango na politique. Bazali batu moko. Ce sont des gens qui ont endeuillé Bakasayen. Combien oyo bakufa pour Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Lelo oyo bakomi na pouvoir. Est-ce que Félix Akye Koluka, ba famille ya batu oyo bakufa pour na famille na ye, même na titre la reconnaissance. Merci. Vous avez lutté pour nous. Merci. Ne fût-ce que reconnaissance. Merci de qu'on a bu nous à koufa pour Nabisso. Merci de qu'on a bu nous à koufa pour la politique Nabisso. Merci pour à koufa pour la libou Nabisso. Oui, il y a un ami qui me dit le président malien est serviteur des intérêts français. Ça, c'est vrai, on les connaît. Arek Vaya France. Et Joa Kabilo qu'on a baron à Mali. Toye Biango. Chez nous, au Congo, Félix est serviteur de qui? Du Rwanda. Félix est serviteur. Bango Kutu, Mindele, parce que R Moko ba Congo, ba Afrique, ba Zalakana complexe à Mindele. Et Bele Mindele, ba mona à Bango na Moussika. Même Félix Mindele abandonné comme on a bangon à Bruxelles la musique. Félix n'a jamais travaillé avec des blancs. Nous travaillons avec des blancs. ngai nde naza awa nakoki kozala jamais complexé ya mondele parce que tovandi na bango on travaille avec eux nazomona babongo mosusu babongo na bango vandika bolobi ah mais tozalaki bana mike tobandaki koyeba ke mindele baza vraiment mayele mosusu ozomona kaka libongu tulo mpenza libongu tulo kiyongo lokola Félix biso bato kozala bacomplexe ya mindele te totangi na bango tozotangisa bango e tozosala na bango mondele na moto mwindo moto aleki moto na mayele aza te biso nyonso tozali bato somme des humains intelligence ezali kaka moko alors ye malien peut-être complexé ya mindele azoservir bafrançais mais félix complexé kaka ya bato oyo toza biso nyonso toliaka na se ya mabele na makasa complexé ya rwanda alors lelo na mboka na biso je disais que dictature ya nord-corée ezali kosinstaller malembe malembe malembe malembe bozoyeba te ke ya de ses frères congolais oyo bazali kotia système moko bacongolais mosusu vous ne le remarquez pas bozoremarke yango te mais après 5 ans après 10 ans boya kocomprendre makambo tozo koloba ke ya un groupe tribal qui installe un système nord-coréen na congo tolobanaka bavérité nos frères luba bazali koinstaller système nord-coréen na congo na corée du nord nani akoki kolobela famille ya kim jong-un motu moko te akoki kolobela famille ya kim jong-un olobi lelo lobi bazali koboma yo lobi bazali kokanga yo c'est la même chose système oyo nos frères luba bazali kokotisa na kati ya congo c'est-à-dire na congo kolobela moluba te moluba akende koyiba na boutique moluba asala mabe komeka koloba te garder silence soki omeki koloba outrage à la tribu ya chef de l'état ezala bato biso tovandi na diaspora ezala biso bato tovandi na diaspora komeka kocontredire félix te komeka kocritiquer félix te komeka kolobela dili ya félix te komeka kolobela badétournement na congo te omeki kolobela outrage ya baluba même na diaspora les gens diaspora pe oyo ya occident les gens qui sont censés vivre dans de pays civilisés les gens qui sont censés vivre dans de pays démocratiques dans de pays ya ba droit de l'homme mais ces gens amènent leur culture louba na diaspora mutu nyonso akoloba po na famille tshisekedi mutu nyonso akoloba contre façon de se comporter de nos frères louba mutu wana bazali kwakize ye outrage à la culture louba menace po na baluba bozali komona ke malembe malembe sa s'installe bato lokola bakeita mutu lokola Paul Kagame dictature oyo batia eyaki na mbala moko te à la minute dictature ekwi mbala moko non la dictature s'installe du jour au jour malembe malembe s'installaka alors na tango bozali kotika chaque jour qui passe bazali koya avec quelque chose pour que bazala wana pour que ba imposer volonté na bango et bino bozali kotika bango après 5 ans après 10 ans bokokoka ko changer dictature wana te bokokoka ko changer dictature wana te na tango ya Kabila avec Denis qui Olive Lembe Nanya Fingi je me répète là Nanya Fingi Denise Lembe pardon Olive Lembe je me rappelle encore cette dame azala qui nzoto minene elle a décidé à sa la régime pour akonda ndenga komi lelo Nanya Fingi qui était Olive Lembe azui sida Kabila pesi Denise Olive Lembe sida. Kabila atoboli mwana biso ya Olive Lembe poison. Kabila boye, tandika kombi, ndumba ya Paka Juma, ndumba ya boye, ndumba abimana Eric Lenge, mwasi ya Eric Lenge, mwasi ya boye, tala elongi mabe, tala ndenga komi, alati ba pamper, paske azana sida. Tout ça, ça venait na UDPS na 10e ri. Tout ça, ça venait na batu o bazali proche ya famille Tshisekedi. Totikali komona jamais, alors jamais. Totikali komona ba ne Congo te. Totikali komona ba ne Congo te. Ba ya na toile. Ba loba, bozali kofinga ndeko na biso ne Congo. Totikali komona soi-disant, parce que Kabila s'est dit, azali famille ya Kabila, ba Katange, ba Shwaili. Totikali komona mutu moko te. Aya koloba, outrage à la première dame, à l'institution première dame. Erwana, institution première dame, ils ont la quitté. Aujourd'hui, qui est Denise Nyakeru? Azalinan. Ce qui te l'a dit malam, Denise Nyakeru n'est pas jeune modèle pour na bana na biso nga mon nazolo ba yangote bango moko ba famille na bango ba milivore. Vous avez suivi l'autre là idiot qui s'appelle professeur to ebi kutu investa tang sa te si c'est ba benga raye de Gaulle congolais na Londres Tshakudia c'est dit azali membre ya famille ya Tshisekedi. C'est Tshakudia qui est venu avec des vidéos pour aller bisabi sur la vie réelle y a Denise Nyakeru. Ngaité. Nga na kenda na Londres pour na ba makambu na ngai, na kenda na Londres pour na ba conférence, na vivana na Londres était plus de 3 mois. Na kenda na Londres peut-être une semaine, 2 jours, 3 jours na zongi. Mais Tshakudia a vécu avec Denise Nyakeru. C'est Tshakudia qui est venu nous dire la vie réelle. Il y a Denise Nyakeru. Est-ce qu'Azali modèle? Azali nani po balobelaite. Parce que quand vous êtes président, écoutez, batumso tozo mona ba Macron, ba français, combien bazo finga moi sa Macron? Na États-Unis, ba Trump, combien? Tozo mona ba procédé outrage na chef de l'État, outrage na première dame. Et d'abord, lui-même, votre président, il a combien de femmes? Il a combien de premières dames? Azana bango combien? Et que dit la loi pour la polygamie? La loi congolaise dit quoi pour la polygamie? Parce que vous dites, vous êtes batou activiste, il y a état de droit. La famille Tshisekedi, c'est la loi, Mibeko. Mibeko la loi. Votre président est un modèle? Un d'abord. Votre président, Félix, c'est une personne qui décourage nos enfants. Il y a qu'au Zouagou, il y a bêtise. Banabiso Bakomi, qu'au Zouagou, il y a bêtise du téléphone à Félix. Banabiso Bakomi, Nazo de la chance et l'Okopamba. Félix a commis président à Tangawapi. Félix Azali Moutou, Azali Kopesa. Éducation à Malam, Moutena Banabiso. Il a combien de femmes? Conseil Nini Félix a koyi ko pesa na un jeune congolais oyo azali ko abiser moi si na yanda ko akende ko bala moi si mususu akoma na basi mi balé basi mi sato. Est-ce que Félix peut se mettre debout en face de ces garçons pour aller bisayer ko bala basi mi balé te ezali mabé mi bé ko na biso Congo et pekisi yango? Félix peut le faire parce que lui-même a beaucoup de femmes. Azo bota pamba pamba moko wuti ko bota ma président c'est comme mulungé siko kishasa ko mulungé tende ngani ye azali ko bota batu bazo bakisama kishasa d'abord batu baze ebelé kishasa ezali mulungé et azo continuer ko bota à 55 ans azo continuer ko bota kishasa ko mulungé tende ngani nani azali na mbeba mutu oyo aboti ou bien mutu oyo ayembi ke kishasa batu bakomi ebele kishasa komi mulunge. Je vois des gens qui disent ndenge na lobi ke Sengoïka Sangela, franchement, na lingarayete. Excusez-moi, mais na lingarayete. Parce que l'histoire n'a yon yo kan obanda kalakoboto la kabatu badiama ko bomabatu. Ndaku ya, il s'appelle comment? Mokia. Ndaku ya Mokia, il semblerait qu'il y a somba ki yango. Soit somba ki yango, ezala ki escroquerie. L'État a zonk si ndaku wana e pa ya Mokia mkolo nango. Très bien. Ngoika sanji badiama o nyon sa botoli e pa ya batu. Na lelo na kishasa za la kalanda kute. Na lelo na kishasa za kakananda kuwana moko kakasomba ya mokia. Azala kananda kumususu te. Se son deja boko yoko yoke le mawate. Mwana na ye aye a fingi Denise. Me na wuti kolo bango fami Tshisekedi na fami Ngoika Sanji. Bazali fami moko. Il y a des gens qui insultent cette fille que non, elle a couché avec son père. C'est vrai, Tolanda ba vidéo. Moi, c'est Ngoika Sanji Akanga, moi, nanaye, sa fille. Na papa naye. Na ben intimité. C'est vrai. Moi, si wana a vandi, elle a supporté, bien qu'à cela qui tapage, elle a supporté pour nako casser carrière politique, yamoubali nayete. Mais, vous allez ko finga soki Christelle Ngoika Ngoi. Asala inceste na papa na ye. Vous défendez Denise Nyakeru. Mais le mari de Denise Nyakeru a eu un enfant na tata mwasi na ye. Félix a un enfant na tata mwasi na ye. Na le ki ya papa na ye. Félix a babota mwana mobali. Vous condamnez Ngoi, Christelle Ngoi, asala ka inceste, il faut yoka soni ko lobate. Mais vous allez qu'au dédouanier Félix, or Félix se paie à ça l'inceste wana. A botana le qui a tata na ye. Christelle Ngoi a sali inceste na papa na ye. Félix se paie à ça l'inceste na papa moi si na ye. Bazali batou moko. Bazali batou moko. Alors, mbo kanabiso. Tous la complaisanté. Tous la complaisanté. Moutoua Salimabe bo condamné à Salimabe. Cette femme, moi na yangoui, à Salimabe, parce que ces problèmes y a parcelle, ils ont engagé Denise Nyakerute. C'est vrai, ils ont engagé Denise Nyakerute. Mais, ma kambounaye ou à lobby, il n'est pas connu comme première dame. Parce que cette fille, en disant il n'est pas capable de capacité comme première dame, bah, tu vas comprendre. Cette fille voulait dire, connaissant la vie de Félix, na beauté na ye azanango, elle peut devenir la femme de Félix comme première dame. Elle n'a pas dit que yé par Oluka Mubali, Mubali là comme président. Non. Cette fille voulait dire yé na beauté na yé connaissant la vie de Félix, elle pouvait aussi devenir une femme de Félix comme les autres Bampela, Baba Nyakeru, na Bamsusoto Yébité. C'est ce que cette femme voulait dire. Alors, Bazali Batumoko, il faut qu'on condamne. Bisso, nous venons dans cette résistance sans complaisance. Dans le vidéo, je le répète, nous venons sans complaisance. Ce qui est moutou yabandundu à Salimabe, je les condamne. Ce qui est moutou équateur à Salimabe, je les condamne. Ezalazali famille biologique nanga. Ezalazali mutu ya tribu nanga. Ezalazali mutu na ye biye. So ki a sali mabe, je les condamne. C'est comme ça on lutte pour un changement na kati ya mboka. On ne vient pas pour changer le pays avec complaisance. Koto yo je condamne, koto yo je protège. Ce n'est pas comme ça. Situation ya mboka na biso, la situation économique nyonso mutu nyonso azo vivre yango o avandi na Congo. Mais biso to vandi na diaspora, on le sent. Mais biso ba to vandi na diaspora, nous le sentons. Na lobakango toujours par ba envoya ba western ba manigram ba to bazo sentir yango. Ah voilà. On m'attaque encore, je suis obligé de quitter. Voilà. Je pense que c'est un grand problème, hein. Na Facebook ça ne va pas encore. OK. Ah oui, ce n'était pas résolu. Je m'excuse, Nabatu, à Facebook. La vidéo est encore sabotée. Je pense que maintenant, il faut qu'on me mette dans l'institution et qu'on protège en malade, moi. Je m'excuse, Nabatu, à Facebook. Je suis obligé, Nakata. Nabatu, à Facebook. Je suis obligé, Nakata, Yango. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, donc il y a un problème. Nabato Facebook toujours. Bon, Facebook, c'est vraiment plateforme mon côté où ils ont la protection mingi, hein. Tout le monde peut rentrer, vous attaquer. Vraiment, je m'excuse. Hein. On continue Nabato à YouTube. Alors, Bato Bazalina na Facebook, excusez-moi, est-ce que vous pouvez écrire Nabato Nabaya na YouTube sur. Prof Yombi Vision, parce que son examen à la montée, bandeko o bazali na YouTube, ce qui to bozali ba minanga na Facebook, s'il vous plaît, écrivez na batouana que j'ai demandé qu'il passe na YouTube, parce que la vidéo sur Facebook est encore attaquée. Oui, je comprends. Je comprends. Désolé. Désolé. Donc, aidez-moi, les amis. Aidez-moi les amis sur YouTube, demandez à nos amis sur Facebook, beaucoup mana Facebook, surtout aux alibami, que Bayan à YouTube, parce que vidéo est allée attaquer. Ok, je comprends, merci. Merci. Mais toi, comme belé na Facebook, mais bandeko ya YouTube, pardon, demandez na batu ya Facebook, beaucoup mana bango, baleka na YouTube. Bien, je vais le faire moi-même, faire un message ici. Oh my goodness. Voilà. Donc, ce n'est que normal, ça arrive. Hein? On se prépare toujours. Il y a un autre bar que vous s'abonner na YouTube. Parce que ce qui va saboter côté Moko, on peut colloquer outil de remplacement rapidement pour que tout continue. Hein? Tout le bakango pour rien dire. Donc, et voilà. Désolé. Donc, je suis obligé de me déconnecter. Voilà. Désolé. Voilà. Nous nous sommes déconnectés dans Facebook. Voilà. Voilà. Désolé. OK. Donc, je disais que na mbokanabiso économie et zamalamouté, social et zamalamouté, vie et zaté. Et bozo mwana bamboka lokola na Mali na vie na bango condition de vie ya ba Mali ya sikoyo ba leki condition ya vie ya ba Congolais. So tali index ya développement sikoyo Congo aza na musika na Mali. Mais Mali bazala ba condition malamu te. Alors bon comprendre sikoyo ya Congo eza sikoyo lifelo. Nous avons vu un pro Félix. À ça la vidéo mingi qui s'appelle Perrault, je pense, Perrault Louara, je pense, c'est ça. Azali, soi-disant journaliste. Ezali Batu Oyobaye qui n'ont pas de position. Azali stable était. Parce que quand vous venez Kokoumissamabe, il y a de ces citoyens faibles en esprit, Oyobako Landabino, Baokansake Makambu, Yozol Bezali, vrai Alandio. Ce gars est venu avec des vidéos, Kokoumissa Félix, Kokoumissa, et par la suite, il a remarqué que Yemoko Azalaki est dans les boulots. Akoumissi Félix, bon tabac. Il vient avec une vidéo qu'on dénonçait pas si Ndenge Azalaki n'a pas de cannabis. Aïe Kolobé l'économie, aïe Kolobé la Félix, aïe Kolobé la situation à Mboka Ndenge Azalaki, aïe Kolobé la ministre où Azalaki n'a pas de bébé, elle est aussi bébé cette dame-là. Oyo Félix a joué juste ministère ya économie mobimba poumon ya mboka a pesi à une fillette ou à une expérience mokote. C'est une fille qui ne peut pas résoudre même moi exercice mathématique mokote, mathématique économique mokote. A pesi ya ministère a ko tia epe ata vice ministre te a tia ministre de l'économie. Voilà. Bandeko nabiso batatu bake ko funda ndeko oyo outrage au chef de l'État. Est-ce que ndeko oyo makambo alobi pona ministre économie eza lokuta afingiye makambo alobi ki ba détournement na présidence est-ce que afingi Félix makambo alobi ba congolais bazo vivre malamu te ya dollar ezo mata est-ce que afingi ki Félix bo na bolandanga malamu parce que boko pesa biso raison na sima na tango na yaki. Parce que je me rappelle, je suis la première personne. Félix Natangwa comme président, ma PCE présidence, je suis la première personne à réagir dans ma discours à Félix, dans ma cambo à réfugié. Ce qui est le Congolais, c'est parce que je suis sorti pour dénoncer l'immaturité à Félix et à ma décision. Les gens ba condamné kingaye lelo combien bazo pesanga raison na ba inbox yango na zo dénoncer na ba congolais boya okumisa biso ta ba inbox te na ba message te soki to sali likambo bozo mona ke likambo ezale malamu boya ko rejoindre biso boya ko loba boloba parce que na tango yo zo bata mana moyo zo bata ma nga na lengi Félix ah non Félix moi je suis neutre moi je suis neutre soki to lobi likambo olandinga inbox prof likambo lobi penza yango wana penza olobi continue ndengwa na papa wapi musala na yo responsabilité na yo en tant que citoyen congolais wapi responsabilité na yo en tant que citoyen congolais nazoi bisabino ke bandeko na biso bazali ko komisa la tribu luba comme une institution présidentielle. Mutu nyoso o ako critiquer gouvernement ya Félix ba comme un avocat de bango asika outrage au chef de l'État, outrage au petit frère du président de la République, outrage à la première dame, outrage à la seconde dame, outrage à l'idiotie du président, outrage à l'escroquerie du président, outrage. Naba oyo bazali na diaspora. Ndeko oyo avandi na diaspora a lobeli gestion ya Félix. Outrage à la tribu du chef de l'État. Bake ko fundaye na poto bake ko fundaye. Bozo mona ba idiot nenge bazali. Ba idiot. Et pourtant na mboka wana bandeko oyo bazali. Tozo mona ba ministre na bango. Tozo mona ba premier ministre na bango. Ba citoyen bazali ko attaquer bango soki bazali mabe. Totikole ko mona te ba mboka wana ba vandi, ba citoyen ya mboka wana ba kende ko funda ba citoyen oyo, outrage au premier ministre, outrage au ministre, outrage boye. Mais bandeko oyo makambo ezuni kana Congo, situation ya Congo, bato balobeli comportement ya bandeko na biso, bozali bandeko na biso ba Congolais, tozali ba tribu ebele, soki bozali ko se me conduire. Il faut balobela bino, mais vous transplantez cette histoire du Congo, place l'équipe, vous amenez ça na diaspora, et vous vous dites, bozala na diaspora ba 20 ans, ba 30 ans. Bozaba avocat. Quel avocat? Quel avocat? Quel avocat? Congo, yangwane zolo kaba avocat. Congo est allé abusé. Congo est allé attaquer partout. Sept pays voisins ya Congo, ba côté le Congo na kati. Ba minera ya Congo, ezo bima mikolo nyoso. Le Congo cherche des avocats au ba kende ko funda. Batu oyo bazali ko abiser Congo. Vous, avocat, vous êtes là, avocat de la tribu Luba. Avocat Bisoba Luba, association culture Luba, de Nyanfu. Félix yon azul kaba avocat. Bozali wapi. C'est honteux, hein? Ndeko oyo vidéo na ye j'ai suivi ça. Na tikale ko yoka place a fingi Félix te. Na yoki place a fingi Baluba te. Mais je vois une convocation. Bake ko funda ye. outrance na tribu ya chef de l'État, outrage na chef de l'État, parce qu'il y a lobby économie et zamalamouté. Alors, moi, en tout cas, Ndeko Oyo, qui s'appelle, si c'est Perro Louara, n'a pas supporté. Parce que ce sont des gens, nous savons que la classe Tozokende, il faut qu'on ait la logique, il faut qu'on ait la rationnelle. Si vous dites oui, na yo e kende, ti libela. Ce que l'on peut changer, il faut la convaincre que l'élément yasika aujourd'hui est indi au changer. C'est comme un pauvre gars là qui s'est dit journaliste à Zalassoy en Belgique, qui voulait venir se comparer à nous. Lelo na koyi kokufa, lelo soki na koufi. Franchement, beaucoup moins à moi de rappeler mon qu'on a système et la chose unie. Le monde vient de perdre M. Yombi. Na mboka lokola Corée, beaucoup moins à bato bakotia ba drapelé, le monde a perdu M. Yombi. Na Asie, beaucoup moins à ba pays ébélé, le monde a perdu M. Yombi. Mais ces pauvres gars-là, Kabila a utilisé, qui travaillait pour l'ANR, qui débarque na Belgique, qui se fait passer pour un journaliste, il réagit au titre de la vie sur un message, inbox, prof Ozaline a raison. Félix a confisqué l'élection y a peuple. Nous condamnons ça. Tokolité contre yé. Lobby, lobby. Kabila lui dit, Tozali na pion na biso na Belgique qui se fait passer comme un journaliste. On dénonce ce qui se passe. Félix Azali idiot. C'est vrai, Azali idiot, dans le vrai sens. Moi, y'a idiot, nga mout na créé en côté. Moi, je connais comment il utilise le mot idiot. Je suis un pédagogue, na yébi, idiot et lingi lobani. Ce qui n'a pas dit Félix Azali, idiot, au vrai sens. Voilà, il s'est ressaisi parce que, Bazotine de la Yé, moi, 2000 dollars chaque mois, il contredit ce qu'il a dit. Que l'élection Azali, Félix a confisqué l'élection à peuple. Tozu, ma conseil est belé. Hein? On a eu son dossier. Yangunda, y a refuge. Ce qu'il a dit, Banda Page, y a Liboso Kinasuka, mensonge. Azali, un infiltré, y a ANR envoyé par le système Kabila. Pour n'a infiltré diaspora. Et là, on a eu Bazali Mibale, celui-là, en Belgique, avec un autre qui est aux États-Unis. Il y a Azouakakaka Rwandais. Tutikana kwa mwona Rwande moko te, media moko Rwandese te, eza la media Rwandese na diaspora, eza la media Rwandese na Rwanda, bazwa un opposant kongole, un résistant kongole, ba interviewe ye, pour que ba Rwande ba yoka la vraie réalité des choses qui se passent. Mais lui, à tout moment, ce sont des Rwandais qui défilent, et pas na ye. Ce sont des Rwandais qui défilent, et pas na ye, pour que ba broutir connaissance, il y a un massacre, nous sommes au Bazali, Kosala, na Congo, bah oublier yango. Parce que quand vous amenez un officier le Rwandais dans les médias, au Bazali, dans les médias de résistance congolaise, tout le monde, nous sommes au Congo, Azali n'a plus de 12 millions d'habitants, pardon, de morts. Tout le monde connaît que la plupart, 90% des morts rwandais, c'est causé par des Rwandais. Alors, toi, tu invites un Rwandais pour que Ayako se justifie que Babomate. Vraiment, Ozali Mouto, Ozali ko aider Congo, Ozali ko aider monde pour bayeba exactement qu'est-ce qui se passe dans na mboka na biso. Et tozo mona ba congolais ba bazali ko landa bango. Ba ko sala ba live ko mona plein ba congolais bazali ko landa bango. Parce que du fait qu'il y a ko landa bango, bozali ko accréditer que en tout cas bazali ba tomoko bazo sala musala malamu. Mais ceux qui bazo sala musala malamu, bino bozali ba journaliste. So lobi na zo sala musala nga ya journaliste. Mais influencer d'autres journalistes aussi, dans Rwanda, va inviter Mutulokola Honoré Mbanda, à Kenekolobana, dans les médias rwandaises, va inviter Mutulokola Patrick Mbeko, à Kenekolobana, dans les médias rwandaises, va inviter Mutulokola Yombi, à Kenekolobana, dans les médias rwandaises. Bozomona idiotie, na biso ba Congolais. Bozali kolanda bango. Non, Moutou Oyo, Azo Salam, Salam, Alam, journaliste. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il fait. Bozoye bate azo sala musala nini ko saboter résistance na biso. Parce qu'il y a des CEO na uti koloba, il y a de ces personnes au bazali faibles en esprit. Oyo bazali na bagage ya makasite ya ko résister. Na tango bayebi ke ce qui est vrai. Les Rwanda occupent notre pays, banda bambou le belé. Ngai so ina landi par exemple un ambassadeur rwandais. Ce qui n'a l'endé moutouloko la Rouberwa. Rouberwa va dire na yeko sekouenga ite na changé position sur la réalité ou ezo le kanambo kanabiso. Mais il y a de ces Congolais ou bazali faibles. Du fait de faire passer ces Rwandais na média ou bozo le baba média congolaise, ezali kopes opportunité na bandeko ouyo. Position na bangwe za la source stabilité. Na moment ya résistance, na moment ya occupation ya mboka, ba règle nyonso déontologique e changeaka. Les Français l'ont fait. Ba Sud-Africain ba sala yango. Ba Américain ba sala yango. Na moment ya occupation, les règles déontologiques e changeaka. Ne venez pas nous dire votre pays est occupé, vous êtes professeur, il faut se taire dans le laboratoire, au livre, au temps, c'est tout. Au moment où vous êtes occupé, vous êtes massacré, vous êtes violé, toi tu te dis la déontologie scientifique, vous êtes dans le laboratoire, vous êtes dans le cré, vous êtes dans le papier, c'est fini. Un journaliste, moi je sais que la situation de crise, il y a beaucoup de belles, ce sont des journalistes qui aident la population pour que paye kota na mboka ba okipa ba bima. Moi je peux parler aujourd'hui à un groupe d'étudiants. Ce que je parle aux étudiants dans quatre auditoires, et qu'on s'est limité peut-être à comment. Ba thèse na bango, ba travaux na bango. Ba to oyo baza na culture ya kotanga te, ba komona te makambo wana. Mais un journaliste, quand il parle, il koti na mupepe et panzani, automatiquement. La Corée du Sud, na tango ya dictature, ba journaliste, oyo ba faire valoir batindi message ya souffrance ya batu na bango na libanda ya mokili ba moni yango. Oya biso ba journaliste, vous vous dites journaliste, au fait boza ba journaliste, c'est boza ba agent ya ANR. Vous sabotez musala ya batu o bazali ko sala résistance. Et Congolais lambda zali kolanda lokola ngulu journaliste na crise ya boye futo mona na batoile bino boza ba journaliste il futo mona bo influencer ba presse mususu au vandi na Belgique il futo mona le soir il futo mona to mona kabino na batoile ya ba journaux ya ba chaîne de télévision ya ba radio partout to mona to yo kabino. Toyo kato monabino. Mais quand vous voyez un journaliste, oyo azali, na tango ya occupation ya boye, batu bazali kokufa, jamais ces journalistes basse poumoné, ba kene koluka, par exemple, moutou lokola Honoré Mbanda. Jamais boyo ka moutou, ces journalistes ba kene koluka moutou lokola Denis Mukwege. Jamais boyo ka bango, ba kene koluka batouana, pour que baya koloba. Mais ce sont des journalistes bazo ki ne koluka ba Rouberwa, bazo ki ne koluka ba ambassadeur ya Rwanda, mukolo msubu komona Paul Kagame. Parce que pour na bango les Rwandais bazali bazo sepela, ezali fenêtre o to kopesa message na biso ba Congolais, to abrutir bango. Bazala na kidiba voilé que non biso te bato zo bo makuna e pa na bino. Ce qui est dans il faut qu'on réforme le cannabis. Il faut qu'on réforme bango. Na vraie résistance, il y a des journalistes qui sont en Belgique, Belgique, qui sont aux États-Unis. Il y a des gens qui sont en à l'équipe, il y a des live boy, zéro. Mais hélas, Congolais. Hélas, Congolais. Dès qu'il y a un plateau, il y a 2000 vies, 3000 vies. Congolais Zolanda. Talaba motema. Ce qui est Zolanda, a kei kuna Western, a Barwande, bazo bonga biso, baboto le biso mboka, et pa nani, Barwande. Mais oyo outi Zolanda, kwa kredite mutu oyo, azako benga Barwande, ba ya kope sa position na bango sur le Congo. Bango bazo bonga ba Congolais te, nani azo bonga ba Congolais kas? Eli mo santo muta bonga ba Congolais na Est, ou bien nani azo bonga ba Congolais na Est? Nani abo maba Kongole na Est? Eza mawa mingi, vraiment. Vraiment mawa mingi. Alors, oyo na yebi, ba résistance et belé na tanga, c'est toujours comme ça. Ezali na batu o, bazali ko comprendre malé malembe, na kati, ma Pol Pot na bango bazali, nous avons des Pol Pot journalistes, nous avons des Pol Pot politiciens, ezalaka toujours, mais eloko eza très important, ezali batu oyo bozali na conscience ya mboka. Soki bomoni ke batu wana bazo koma ebele, lelo toyo komona président de la République tribi e komi institution présidentielle. Innovation na monde. Tribi à président de la République et comme institution présidentielle. Alors, bandeko oyo bozali na conscience, il faut botter les mains. Il faut botter les mains, il faut beau dénoncer. Na uti ko loba yango, soki botiki bandeko na biso oyo ba continuer na lancer oyo. Na 5 ans, 10 ans et kozala terrible. Moi, je vous ai dit que un jour na vidéo na lobaki Félix a fait venir ba chômeur de Mbujimayi. Ba recruté ba tuna Mbujimayi na ba village mususu. 2000 personnes ayana bango na Kinshasa. 2000 personnes ba mususu bazo sombela bango ba moto. Bazo pesa bango ba moto, bazo pesa bango ba carburant. Je vous ai dit le 2000 citoyens congolais de Mbujimayi. Ya Kasai oyo bayaki na Congo ba oyo bazalaki na ba place kolala te ba tia bango na ba église ya bandeko na biso ya Kasai oyo bazana Kinshasa ba lala na ba permanence ba église. Vous avez vu ces mêmes groupes les lots tozomona batindi na Brazza ba ke kozwa formation militaire. Or na kati ya mboka soki pays azana besoin ko former ko recruter ba militaire, ça se fait officiellement. Balancer offre ou bien recrutement, batoubaye ko s'inscrire, bazui batouana, peut-être quand il y a entraînement, place bakotine d'abangue ko zala secret. Mais on a remarqué, rien que des Kasaïens na Congo, Brazzaville, bake ko zwa formation militaire. Batouana ba outi wapi. Mais c'est parmi les 2000 que Félix, que j'ai dit, Félix a fait venir de Kasaï, tina Kinshasa. Et bon moni makambo nyoso o ezo salama ba fingi ni akero ba fingi Christian Tshisekedi ba fingi Tshisekedi, ces gens-là se regroupent rapidement, c'est-à-dire que ezali na source ya ordonnancement quelque part. Félix a créé milice na ye. Félix a créé milice na ye. Milice wana ezali privé pour s'attaquer à tout ce qui bouge contre ye. Pour s'attaquer na mutu nyonso o azo critiquer ye. Pour s'attaquer na mutu nyonso o akolobela ta muke mama na ye, o akolobela mwasi na ye, basi na ye. Ba milice wana directement se regroupe pa ki ko attaquer. Lelo tamoni une vidéo. Ba wewa il semblerait comme un taxi rapide na Congo. Eza mabete. Na Nigeria so okay, eza lindengwana. So okay, na bamboka lokola Vietnam na Bangkok. C'est comme ça. Ba moto nde eza très rapide. So lingo ke ne rapide kozwa taxi te, zwa moto. Mais batu ba kinwa bazoye mateke Félix aza na ba milice na ye na ba wewa wana. Asombila bango ba moto, apesa bango ba carburant, au fait basala ka taxi te. Bango soki a matisi yo, ayoki ke na telephone na yo ozali ko sorola, ozali ko loba quelque chose contre Félix, ozali ko loba quelque chose contre moi sia Félix, contre famille Tshisekedi. Olie ba mema yo na destination place au lobby, bango ba memi yo na ba permanence, na ba na ba cachot secret. Oyo, Félix Atongi, bake ko beta yo. Ngamut na zolo bayangote, vous avez vu témoignage vidéo ezali na toile. Engar, azali ko ke na réunion, semblerait soi-disant ya opposition, na ebite soki opposition ezali na Congo. Kuna na moto, na sima, azo téléphoné, oui, naza a moi retard, nazui moto, nazali ko koma bo zelanga yipo na réunion na. E, moto a memi yen zokande azali vrai taxi, moto te ezali Milovor, Tatu, Oyo, Aouta na Mbujimai, pour na ko sauvegarder famille Tshisekedi. A kosi moutouana alobi, nzela o ezali, zelo ezali mingi na kwa kolekate, to leka nzela moussous. Moutongo pe a yebi kote angote, sa va andimelie. A se retrouve boye, a ke komona entre ba Tatu, ba betiye. Video ezawana. Ba pandi, je pense ki ba boukiye, parce ka zo ko kako simba, ko tambulate. Voilà ce que Félix a dit comme Mme Mboka na biso. Parlement. Yo, on dit qu'il va passer au président. On se rendre compte que Parlement kuna oza na ngote. Tu n'as pas lité pour que na fraude na bino pe, ba fraude pe batu ya ide pes ba zwa ba chaise na Parlement ebele, pour na komema ko faire voter ba loi na yo. Parlement elo ba boye, batu bazo se réunir eza ba peuple congolais te, ezali ba wewa. E ba wewa nyo soso yuki ba msusu lingala ba yebite. Oyo ba yebi lingala bozuka lingala na bango paske miso nyo so na Kongo. Nga so na zolo ba lingala, lingala na nga yezali lokola bayaka. C'est vrai. Muluba so na zolo ba lingala, lingala na yezali lokola muluba, lokola mukuna. Lokola Etienne Tshisekedi. Ti atangi klas Etienne Tshisekedi bande ekol primaire ayeo koma fo docteur a droit. Tshisekedi ayebi, tikele ko yeba ko prononse mo radical te. Soki na tche tembe tombola musapi. Tshisekedi ti banda bandi école primaire aye okuma ministre si sa komi se faux docteur en droit a komi ministre a komi premier ministre président ya parti Tshisekedi wa mulumbatika oye bandenga ba prononce ka mo radicalité na kosi mulubanyo c'est très difficile à prononcer mot radical so da chete me place bovandi allez répétez radical oyo akuna a radical. Ngape sona zo balingala na ngai na lobalo kola bayaka. Oui. Alors, soki botali ba moto oyo soi-disant ba moto taxi na Congo, batkolo na ngoso yo ki lingala na bango, ce sont des luba. Lelo bomoni système de ekomi, o mati na moto sala attention ko benga te o lobake okolo ba makamba tshiseke ya mabe. So mati lobaka ka beton be be be be wana pena ba memio rapide mati na destination na yo mais soko lobi idiot soko lobi na kati ya moto na yo diplôme so lobi na kati ya moto na yo élection so lobi na kati ya moto na yo inconscient yeba ke destination au commenté bazo ke ne ko beta yo pa batato. Pourquoi ba congolais bozo garder silence? Bozotika makambo oyo ekoma système. Ezokoma système. Bandeko, ezokoma système. Mutuso ya komi président, ethnie na ye yebana kasute. Mutuso ya komi président, tribu na ye yebana kasute. Tomoni yango tozan expérience. Kasavu bazala ki président totiko omuna ba ne Congo te ba maltraiter ba toboye Mobutu akomi président toyiko omuna ba ngwandi te ba maltraiter ba toboye Laurent Désiré Kabila yo koma président tomoni te ba Swahili ba maltraité ba Congolais boye. Kaka ba Rwandais Kabila yo koma président ba massacre na Congo. Félix a yo koma président tribu lube comme institution présidentielle. Bampangi avenza, tourno banim. Est-ce que tout tika mboka oyo, botika ngoka kaboye koma boye? Parce qu'aujourd'hui, moi je sais, un jour, je vais diriger notre pays. Gaye biyango. Ko diriger mboka, isaka koza la présidente. Ko diriger mboka, na koyi koza na longwe, ah, na kena mboka, nangana sa, si moi jine nangaye. Je dirige. Na yebi ki na ko diriger. Na ko diriger même cuisine, ko lamba. Na salle ici restaurant, na ko diriger. Mais, ere ko koma trop tard, bande ko oyo ba komi si mboka na biso ba komi si tribu loko la institution, ko change yango e ko zala trop tard. Ce qui se disent politiciens lelo, parce que ba politicien, objectif na bine zalini, ya ko zo pouvoir. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, la Mouka. Je m'adresse à vous, ma groupe skill politique, mon souci avec escroquerie. Aujourd'hui, vous luttez pour que vous soyez pouvoir. Mais il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une tribu qui veut devenir une institution. Bokangi Minoko. Mais le jour où Félix ne sera pas là, parce que Kabila va abattre Félix. Ça, c'est connu de tout le monde. Les jours où Kabila va se débarrasser de Félix, binon opposition, bah, se prononça déjà, je peux citer, à vous, Jean-Pierre Bemba, à vous, Martin Fayoulou, à vous, Moïse Katumbi, vous gardez silence sur ce qui se passe sur une tribu qui veut devenir une institution. Mais les jours où vous prendrez le pouvoir, il vous sera difficile d'éradiquer ce système. Parce que vous avez laissé l'arbre, ça germe maintenant, la graine est en train de pousser maintenant. Vous pouvez avoir un problème civil, un problème personnel avec un frère Louba. Ça devient maintenant outrage à l'ethnie du président de la République. Et vous laissez la graine germer. Ça va grandir, devenir un arbre. Il vous sera difficile d'abattre cet arbre. Moi, je ne vous crois pas comme politicien. Franchement, excusez-moi. Nandimi la cabinoté le collabore politicien. Parce qu'un politicien, c'est celui qui raisonne, qui comprend la méthode ou les méthodes qui ont été utilisées par le passé, par vous-même ou par vos prédécesseurs. N'aide pas aux Congolais, y'a koko mana bonheur ou bazanango besoin, même le minimum. Mais vous continuez à utiliser les mêmes méthodes. Fayoulou utilise la méthode d'Étienne Tshisekedi. Bemba utilise la méthode de Mobutu. Katumbi utilise la méthode je ne sais de qui. Ce sont des vieilles méthodes qui n'aboutissent à rien alors. Alors, objectif Nabino Ezali Kaka, Batouba tonde la yo. Baye na stade batondi. Ah, babenga ga yena chairman. Mwane kanga. Ah, Yoka Fayulu. Le vrai leader. Katumbi, le vrai gestionnaire. Na ebite gestion ango soa salango wapi. Batu batondi li wabete le maboko. Vous vous croyez déjà leader céleste. Mais Vous ne réfléchissez pas quelle méthode vous pouvez utiliser pour que tout le monde, le peuple, ait une souffrance. Banda Congo, Zali Congo, peuple, n'a pas souffrance, souffrance, souffrance. Et les leaders qui viennent, vous venez toujours avec la même méthode qui échoue toujours. Fayoulou a utilisé la même méthode pour réclamer l'élection locale de Tien Tshisekedi. Tien Tshisekedi a Koufi. Est-ce qu'il y a un bic qui a signé? Et si Fayoulou a juste à Yoki Sony, il y a un bon impérium. Wana linko touché, il y a un bon impérium. Mais in extenso, hormis le bon impérium, Fayoulou utilise la même méthode. Or, il a été à côté de Etienne Tshisekedi. Nathan Tshisekedi a réclamé le résultat de l'élection. Ayoko remarqué qu'avec Kabila, cette méthode que Etienne Tshisekedi a utilisée, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher. Lui aussi vient, c'est la même méthode qu'il utilise. Bemba utina poto, parce que cette constitution a koloba ke non, ye bakanga ye akoyi kozala susu candidate, mais on peut le changer, la constitution on la change. Bozomona bokomona kala mingi te na mali constitution se changer. La constitution c'est quoi? On peut se dire aujourd'hui, bon voilà, alt na constitution, auto changer yango. Bemba vient, retour, popularité, et c'est li amoni ke oui, ki chasa mobimbeza ye, avant de calme. Il mange. Il peut voyager. Vina yez ali bien. Et batou oyo bazwa ko bete la mboula pour ba yamba yo. Qu'est-ce que vous en pensez? Nos politiciens, baza batou mon côté, oh, bakena koluka, baye bakeno, voilà, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des gens qui parlent. Na batou nan denge bazali koloba, na batou nan expérience baza nango. Tokoki ko regroupe batouana pour que to meka ko zwa solution d'ensemble entre biso. Non. Bango orgueil. Na kobenga batouana te. Soki na benge batouana to kouta na ngaka ka ifuna tika la prezo. Ngaka ka ifuna za la président. Mais un vrai leader a kwe ko loba batou loko la bemba, excusez, na zala ki na ba lui na justice, même si zala ki injustice, ba libere ngayi, mais loi na biso ezo empêché ngayi. Alors, na vanda na no pembeni, na place na ngayi, voilà une personne que je vous présente. Voilà une personne que je vous présente, botchaye maboko, personne na soki botchaye maboko, personne na soki a komi na pouvoir, tokoki ko changer mebeko na biso, et ngayi na koki ko ya na pouvoir. Fayoulou peut se dire aujourd'hui, na gagné ki be élection, baboto linga y élection, na komi populaire, mais écoutez, j'ai des problèmes. Lelo oyo na koyi ko koufa, mais ceux qui na koufi, voici la personne qui me remplace. Dites-moi, na pembeni ya Fayoulou, qui Fayoulou prépare ceux qui azate moutouana ko remplacer Fayoulou? Zéro. A koyi ko sa langote, parce que ceux qui moutouana ye, peut-être moutouana ko za an étoile, a konyatanga ye na ko za la sousou présidente. Etienne Tshisekedi dit la même chose. Il est décédé. Qui, pendant 37 ans, Etienne Tshisekedi a préparé pour les remplacer? Personne. Gizenga avec son palou. Il est décédé. Qui, Gizenga, a préparé pour les remplacer? Personne. Moi ou jamais. Moi ou jamais. Bangwana ba leader na biso na Congo na biso. Bangwana ba tutuzali ko landa. Bozali ko bukana, bozali ko zoka, bozali ko kufa. Juste po na batwana. Mais posez-le ba question ko yeba. Président, oui, ozali populaire. Président, oui, to pesio confiance. Président, oui, ozali mayele. Parce que pa na biso, président nyon so ya parti politique, bazala toujours mayele. Tondimi yango, boza mayele. Ezala Félix, balo bakani na IDPS, mwana ya mayele. Nani oyo o prepara? Demandez batu ya MLC. Ce qui Jean-Pierre Bemba lelo parce que toza batu, il peut mourir aujourd'hui. Mort naturelle ou mort provoquée na ba humain. Qui Jean-Pierre Bemba a préparé pour le remplacer? Fayoulou, la même chose. L'INC, Kamer est en prison. Nani, l'INC a préparé pour les remplacer. Personne. Kabila appelle les Rwandais, il est venu avec ce même système, il y a des politiciens congolais. Kabila aujourd'hui peut se dire, bon voilà, Naza sous ce président, la loi me l'interdit, bon voilà, voici la personne que moi je vais préparer, ce qui Naza te, Moutona Mouta remplacer. Personne. Moutona Sazo le Bakaka Raïs Toton Dionante. Congolais, il faut tout l'amouka. Moi je condamne Mingi Bato Bavani na diaspora. Bato Bavani na diaspora, Congolais Bavani na diaspora, nous sommes venus avec notre culture négative. Nabino Bavani na diaspora, Boza ba djaleluiste, y a ba politicien ou bazo roule peuple na biso na bamboka na biso. Oroyoka yo non na vanda na France pendant 30 ans, na vanda na Londres pendant 30 ans, na vanda na États-Unis pendant 20 ans, na vanda boye. Mais ozomo na ye djalelis trobeti la maboko na bato oyo bazali kwa bize peuple na biso. Est-ce que na mboka na yo vandi place ovandi na diaspora? Ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça? L'Occident est biskato vandi. Ba leader nyonso est déjà comme leader, il prépare déjà ba substitut na ye. Parce que na koki kokufa, ce qui na koufi, nani a ko remplacer nga pour vie des alaté. Yango tozo mona partout ezala na ba orchestre musique na biso parce que chez nous la richesse ou éthique n'est pas na biso, ezala musique na théâtre. Na mutema mabe. Na musique au mona chef d'orchestre ye kaka, prezo, ye kaka. Ouera son lelo peut mourir. Orchestre naye ekoufi. Pepe Kale est mort. Wapi orchestre naye. Marie Misamou est morte. Wapi orchestre naye. Debaba est mort. Wapi orchestre naye. Donc, tous la culture moko yamabe. Et pas yon abiso moutoua koyi ko remplace yo kaka. Moi na na yo ou bien moi si na yo. Ba pasteur, okomona, pasteur akoufi chez l'enfant qui le remplace. Même si moi na wana azali na molimo wana te entre guillemets, molimo yakobiki sabato. Si Katenda est mort, c'est son fils qui l'a remplacé. Et pourtant, son fils n'était pas spirituel. Nalo bakango, moi je le connais très, très, nalo ba trop bien. Le petit Néma n'était pas spirituel. Papa n'a eu vision, il y a remplaçant, exacté. A ce moment-là, l'église, ce qui m'a soit remplacé, c'est comme si il y a un Kabi Bomengo. Au Kabi Bomengo n'est pas étranger, Bomengo Kabi n'est pas congolais, Mbongo n'a pas bonze kotika dans le Congo. Si quelqu'un a koufi, batu oyo bazala ki, na kat église, na ye, ope, babande, koza, na molimo yango. Capable bakoy ko diriger église wana balinga kite bakoy ko zo mwana na ye o atinda ki na poto aya ko remplacer papa na ye molimo ata mon côté. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Sap na sap. Mbiye, la même chose, malade. L'église ya mbiye personne na kat église wana ba diacre ba évangéliste o akoy ko remplacer ye? Non. Nana ko remplacer ye mwana na ye. Or mwana spiritualité. Qu'est-ce qu'il fait? Ko viola kakabato. Et biso ba Congolais ba naïf. Biso ba Congolais ba naïf. Ba tout olanda ka batu wana. Moutou o azo ya pona koloba makambu ya mboka. Bo eskizenga. Parce que, bo yebi ke, to sa kana kilturi ya kotangate. Congolais so lingi ko bomba. Secret. Ya vi. Peut-être. C'est un exemple que je donne. Zwa yango, koma yango na page, ya livre comme ça. Tchango na kati. Par exemple, les clés, place Bomengo ezali bien diamant moko na tiki na lina kufa na ngai, na komi yango awa na testament, na komi na livre lokola boye. Tchango na kati. Congolais moko ko découvrir yango te. Congolais linko tanga te. Mais il y a des gens qui nous révèlent des choses. Vous avez qu'aux goûts, il y a un jeune frère là qu'on appelle Patrick Mbeko. Natangaye avec Monsieur Honoré Nguanda, Bakoma est livre avec Monsieur Honoré Nguanda. Natango na monie, na Loki Kombo na ye, j'ai vu beaucoup d'ouvrages que Patrick Mbeko a écrit. Franchement, Mbo Cannabis soit Ezali Serie, Batulokola, notre jeune frère Patrick Mbeko, Bazali Batulelo, Bakoyi Kozala, conseiller quelque part. Vous avez découvert beaucoup de choses. Vous avez écrit beaucoup de choses sur les grands lacs. Venez ici nous renseigner c'est quoi au juste. Parce que les Rwanda, l'Ouganda, nous sommes condamnés de vivre voisins. Moutoumou a déplacé Rwanda, ou même Rwanda ailleurs. Non, Rwanda, Ouganda, Burundi, bakotika là-bas voisins congolais. Mais il y a des choses que ces gens-là font dans le pays Nabiso. Peut-être que nous avons une opposition à occuper Milo Kouanate. Comme président, vous avez beaucoup écrit. Venez ici à côté de moi. Vous voyez, Bissanga, que Ozo Lobela, Patrick Mbeko, comme ministre, je ne le connais pas. J'ai vu Patrick Mbeko, je pense, une fois, to solola na yete, mbote, j'étais pressé. To pesani mbote, ah, na landa ki vide de, ah, Patrick, je te lis beaucoup. Je suis sorti. To tikala, to zana contact ya email te, to zana ba mi na Facebook te, na, je ne les connais pas. Batou lelo, parce que, mais pourquoi le bela kombo na yemingi? Na ba auteur congolais, où on a utilisé un ouvrage, un livre pour l'enseignement de Ngaï, Ezali Patrick Mbeko, Ezali Natanga Cardinal Malula, Honoré Nguanda. Lelo Bazali Batumoko en matière de sécurité. En matière de sécurité. Baza batumoko, jalousie, haine, wana baza nango, Mobutis, c'est comme si c'est seulement Honoré Nguanda qui a travaillé avec Mobutu. Honoré Nguanda était ministre, premier ministre, Honoré Nguanda était ministre de défense, Honoré Nguanda était ministre des affaires étrangères, Honoré Nguanda représenté par le ministère de Mobutu. Alors, tout le malheur, le péché de Mobutu, n'a motu ya Honoré Nguanda. Mais les autres hommes, on a baki tenge Yesu, qui n'ont rien foutu. Na mboka na biso, na kote ya Mobutu, ils sont na kote ya Félix. Mais lelo sécurité ya mboka na biso, ezama lamute. Na lobakango toujours, qui ont maintenu unité wana, sécurité wana na mboka na biso. Ce sont des gens comme Honoré Nguanda. Dites-moi, Batou, combien Honoré Nguanda a boma? Aujourd'hui, je pose cette question. Franchement, Nazali ko sala advocate pour naye. Il n'a pas besoin d'abord, il m'a répondu, bino que, dans un mot à part écouté, moi, je n'ai jamais rencontré Honoré Nguanda. Physiquement, comme ça, je ne le connais pas. Je n'ai pas de contact avec Honoré Nguanda. Mais je juge Honoré Nguanda à partir de ses écrits. Je juge Honoré Nguanda à partir de ses fonctions, na côté à Mobutu, en matière de sécurité, il y a Mboka na biso, sécurité nationale. Mabe koyi kozala. Conseil à ma bébé qui ne l'écaille pas à Mobutu. Mais en matière de sécurité nationale, je pense à lui. Le lombo cannabis, même le pays, le Centrafrique, le pays qui s'azardait à côté de mon cannabis avant de n'y aller. Si aujourd'hui, Félix peut pardonner Paul Kagame, parce que quand on voit le plus de 12 millions de morts au Congo, la première image qui nous arrive en tête, c'est l'image de Paul Kagame. C'est l'image de Museveni. C'est l'image de Burundi. Nazali koloba boyete, batwana ba bunda na mboka na biso, oya memi armé, oya bazana na conflit na bango, bazana frontière, olie ba bunda entre bango, ba déplacer ba militaire, ba kotse bango na Congo, ba bundi, comme si Congo ezali champ de bataille. Si aujourd'hui Félix peut pardonner, travailler, qu'on lavait Paul Kagame. Quel est ce péché, Oyo, Batulokola, Honoré Nguanda, basala batulokola ba docteur mpuila à l'UDPS. Quand j'ai connu moi l'UDPS, batulokola ba docteur mpuila, voilà baluba o tolingi bazala na côté à Félix. Voilà baluba o akoyi koloba ke non aujourd'hui président avec Kabila, nous décidons tous les conseillers tala et loko tous les kokende sécurité nana ko tsela biso sécurité Jean-Pierre Bemba ozali Honoré Mbanda ozali Mpuila ozali Intel ozali venez me soutenir parce que trop c'est trop avec Kabila. Kabila kovana na mboka wana te. Kabila kovana na mboka wana te. Voilà pourquoi nazali ko benga toujours Félix idiot. Na kati ya mboka, na kati ya ndaku ozali na batu, oyo bazali na makasi, bazali na bongo, ya ko rezone plus ke Kabila wana. Ya ko luka mwaye ndenge nini bako sekirize yo. Paske balobi, yo ko zala prezidati na 2030, tondimi yango. Men suke ko zala prezidati na 2030, pardon. Bongo peuple congolais oazali ko soufrir, sekirite ezate. Na est, mutu nyo sa koyiko kota na est oaza abomana no batute, il suffit de rentrer au Congo dans l'Est Nabiso à Koboma Congolais Ndengalingi. Nous acceptons, vous restez au pouvoir jusqu'en 2030. Moi, je t'ajoute même jusqu'en 2100. Mais pensez à la sécurité Yabatu Nabiso, la population Nabiso. Nakata Ndako, Nakata pays, vous avez des gens qui peuvent raisonner, qui ont de l'expérience, il y a sécurité en Mboka Nabiso. Parce que sans sécurité, politique, économie, nous c'est comme acheter. Mais il y a des gens qui ont démontré cette expérience de sécurité. Lelo Oyo n'infisque que conseil bakoyi ko pesa yo. N'infisque que conseil bakoyi ko pesa yo. Bazali ko yate pour bazwa pouvoir na yo. Bako yate, pour baso pouvoir, non, bako yate, pour baso peso conseil, même à distance. Même à distance, moi je conseille un gouvernement yazi. Donc le bako mbo nangote po, batatu baza, ba expert. Bako no kote langa sima sima. Je conseille un gouvernement en matière ya immigration. Ti lelo, un gouvernement ya pays yazi. Na conseil a toujours gouvernement wana en matière d'immigration. Na sala kango à distance. Ba koyeko nomé ngaité, na boyi na koyeko zo nationalité na bangote. Alors, comme mutu wa koyeko za na gouvernement na bango, il faut azala kaka citoyen ya mboka na bango. Nous sommes attendus, na non vous pouvez kozo nga consultant ou bien conseiller à distance, je peux vous conseiller. C'est ce qui c'est ce qui se fait. Alors, Congolais so yo ki kaka mbiye abimisi album ya kolobela so ki Eliane. Congolais no sa wakene ko sombango. Tomoni Monsieur Onana, un Camerounais qui se sacrifie pour que ba Congolais ba yeba qu'est-ce qui se passe pour mboka na bango. So ki na tuni ba Congolais, bozali na lelo na zomo na siko, ah, na zomo na soyi kombie bozali na live. So ki na tuni kombie ba si ba somba un livre ya Monsieur Onana. Nani a somba un livre ya Patrick Mbeko. Nani a somba un livre d'Honoré Mbanda. 10 bako lekate. 10 bako lekate. Mais so yo ki nani a somba album ya Mbiye. Non a 9% basomba yango. Non a 9% basomba yango. Alors, ce qui est la culture yako tangate, ezali biso te ezali ndenge ba memi biso. Mais culture yako yoka ezali. Ce qui est ko bima boye poto loba, tozali ko bima te parce que tozali na intérêt personnel. Intérêt personnel les athées. Intérêt personnel les athées. Parce que ce qui est intérêt personnel les alliés, ces gens-là que j'ai cités, que j'ai donné l'exemple, les alliés sont belés dans Mboka Nabiso. Mais je n'ai donné que deux, trois exemples à Batouana. Soit qu'il y a un intérêt personnel, notre jeune frère comme Patrick Mbeko ne pouvait pas qu'au vendre ici qu'à vendre, habiter sur Havana en Mbokani. C'est comme si à vendre aux États-Unis, bien à Londres, je ne connais pas. Ndekowana Kokiko, Kozonga, voire même Kozala Pio Yakagame, parce que tout le monde a un journaliste Lelo qui se dit congolais, avant les États-Unis, a supporté pas cité, a commis Sikoyo, spion Yakagame, spion Yakabila. Tout le monde a un journaliste qui débarque en Belgique, soi-disant réfugié, mais en réalité spion Yakabila. Parce que réfugié, ils ont passé. Hein? Réfugiés, au boya, aide sociale, le colabisso, aide sociale na Corée, na tango na zaka réfugié. Et on a le gouvernement coréen, le bango, mais c'est Yombi, est le seul réfugié, au yo a rejeta aide sociale. Mbongo na zwa, le gouvernement, na zwa na ministre ya justice. Parce que ma kamba réfugié na Corée, c'est le ministère de la justice qui s'occupe. A bengisanga na biro na ye. To sololi et to zobima, na mona kaka bengi sekretèr, sekretèr da yé na enveloppe moka pembe ba pesi ngay. Abino, o futa karibiran. Na seki si ministre, je lui ai demandé, est-ce que enveloppe oyo ezali ya grand frère, a pesi petit frère na yé, ou bien ezali ya ministre ya justice a pesi réfugié? Li bosa comprenne la question nangate. Après conseiller na yé a expliqué, a comprendre. Abino, non, non, non, non, non, non, non. Ezali grand frère a pesi petit frère. Ezali ministre était a pesi réfugié. Parce que soit le banquier, ministre a pesi réfugié, j'allais refuser. Moutoumoko te agoya na bout de papier. Bobe nga bande konabino bavandi na Corée. Moutoumoko te agoya na bout de papier que M. Yombi un jour a joué qui un centime la service social ya Corée. Na tika na kozoate. Na tanga na mboka Corée wana. Sans bourse d'études. Pour lui, Minerval n'est pas allé en Corée. Na semestre, moko zo futa loko la 7000 dollars. Na tikali kotanga na zui bourse mokote. Université na tanga ba bourse obanay kopesa ba étudiant étranger kaka ba asiatique. On m'a dit, yo ozali asiatique te oza africain. Moi yo oza bourse ozate. J'ai étudié na ba frère d'angai. Na longwe Corée, na ke Canada, na tangi na ba frère d'angai. Le Canada appelle la même chose, mais il y a une bourse d'études. Le Canada a un doctorat, un trimestre mi-balé. Par exemple, automne, na hiver, nous sommes mi-balé sur Sangisi, c'est 12 000 dollars canadiens. Trimestre moko na Canada, c'est 6 000, 7 000 dollars. Na tangi na sisi na zui bourse mokote ya ba canadien. Nga bourse en tout cas elingaka nango ngati natikala kozwa ngoti. Alors batwana ndenge bazawana soki bazali kokoma boye bazo se kokoma eza pasi na koma na komaka kokoma eza pasi livre futa kapenza bien te livre futa ka bien te ba auteur ba kolo livre bazwa kapenza mbongo ebele te. Batwana lelo na bekri na bango ekoki kwede mboka maintenant et pas na biso non non non non moto oyo akitina na pantalon e pa langate Honoré Mbanda il ne veut pas descendre pantalon pour Félix, il n'a pas descendu son pantalon pour Kabila, to koyi ko consulter yete pour na conseil à sécurité. Non non non non, Patrick Mbeko il parle beaucoup avec sa barbe là comme un pasteur de l'église de Baba. Yé a quitté sa pantalon na yete pour na Félix, a quitté sa pantalon pour na Kabila, on ne peut pas l'appeler. On ne peut pas le consulter. Voilà mbo kanabiso ndenge zali. Mais yango na lobi ke il faut tout réformer tout. Batuloko la banti valeur oyo. Il faut ko tcha bango na pemene ba ke ngosa la misala na bango oyo bazali expert. Lobi na lobaki yango. Félix toko tchaye a fungula ba pizari, ce qui pizza ba benga ngo so je ne sais pas. A salaka ba pizza po bande ko na biso ba liaka pizza. Azali pizza même. Azui expérience ya mingi ya ba pizza. Bon, expérience na ye, parce que ko délivrer pizza na Belgique, ba banay ko kitika ngona ba moto. Après si valeur na ba bato moto ba wewa. Mais si ko valeur après si na ba wewa, après si on a ndenga ma be ba komi ko sala ba crime. Azo utiliser ba wewa na ko mema bato te ba kete ko délivrer biloko, na ko mema bato te ba tika bango place ba niko kende, mais ya ko terroriser bato. Ma bende yangwana. Merci beaucoup, Pizeri. Alors, Banti Valère, ce qu'on méritait, si Kawanate, on méritait, et un esprit à ma bêté. Et un esprit à ma bêté. Voilà qui est au Tchabatou. Au Yobakoïko, ça va conseiller à Malamouté, par exemple, en matière de la sécurité. Nani Moutouazali conseille à Félix en matière de la sécurité. Bon, bilomba conseiller à Félix na matière ya économie. Bota l'économie na biso. Kabila bebi saki ye penza ye akundi yango. Alors, mboko eza mboka na biso nyonso. Moto a mérité te a mérité te. Bo linga te tokoma na niveau tokoma na makambo ya Mali. Parce que na Mali kaka boy. Kakaboy, batobande ikoloba, bazoloba, bazoloba. Samuel Do, kakaboy, batobande ikoloba, babande ikoloba, babande ikoloba. Mais, tangwe ko yela bino, na ebite so yibo oloba, outrage, au chef de Nino yo, outrage, au roi soki de Nino yo, outrage, à l'idio national, Basi yango oza na bango ebele, balobela mwasi moko outrage à l'institution première dame, na yebite constitution yango bo changer ki mkolo nini, première dame est komi institution. Première dame est komi institution. Ba kongole baloba baloba te, bo ndima kaka. Soki bo boyi kondima, ba yele bino, ba vocable na bango bazwi. Ene, tribaliste, outrage, à la tribu et à chef de l'État. Merci beaucoup. Nous pensons que pour aller au Sili ici, toi toujours pour na Congo, toi l'embatté, toi toujours. Ce qui te coupe dans zela, tu vas aller remplacer Batu Bazali. Tu zoloka toujours, koloba tu zoloba, so yebi eloko, olinko dénoncer eloko, loba ka les ala kapasi. Pour na koloba, il faut mobiliser batu, ba ya kotonda quelque part pour oloba. Lelo, mindele ba pesi biso opportunité ya ba réseaux sociaux, ya ko dénoncer makambo ndenge ezali koloba. Oko futa ta un centime te. Alors, pourquoi bozo garder silence, vous ne dénoncez pas? Lelo na mboka na biso batu mususu ba sala masumu éternel. Ba koyi ko limbisa bango te. Mais so otali batu wana, aboma ta moto moko te. Photo mokote boko la kisabiso ke non, Motoboye, il a travaillé à cette époque, il a tué telle personne, tel jour, date, voici ma photo, voici famille et ma victime. Mais aujourd'hui, Kagame qui a occasionné plus de 12 millions de morts dans le Congo, il est pardonné, il est lavé. Kabila qui a occasionné ma mort dans le Congo, il est devenu notre frère, il est devenu notre allié. Mais Batumusu, parce que Okitisi kilote na yote pour la famille Tshisekedi. Aux alliés condamnés à perpétuité. Alors, biso ba congolende ba tutozo occasionné biloko na salema. Parce que les autres sont lobby non. Na ba outil union soza nango. Tozali na ba YouTube, tozali na ba Twitter, tozali na ba Facebook, tozali na ba Skype, tozali na ba WhatsApp, tozali na nyon so lelo gratuit. On peut se lever comme un seul homme koloba non. La dictature nord-coréenne, Oyo, Félix Azo installé dans la tribune. Ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que Boyebi Bakoya, Bakoya Bakoloba, osa tribaliste. Est-ce que nga moutou nazo dénoncé tribalisme et moutou nazo tribaliste, ou bien moutou azo pratiqué tribalisme et moutou nazo tribaliste? C'est ça la nuance. C'est ça. Là où batou raisonnement, ils ont sous malamouté. Moto azo dénoncé tribalisme, moto azo tribaliste, ou bien moto o azo pratiqué tribalisme, moto azo tribaliste. Donc, merci Mingi pour la Rolanda Bissot. Nous pensons qu'il est au Katawana pour la Lelo et nous allons continuer. Et Naloba qui en que prochainement, Tokotcha numéro ya WhatsApp. Numéro WhatsApp pour aller causer la pour la macambo ya politique. Tiens, numéro WhatsApp pour aller causer la pour la bande de connaissances, ma demandeur d'asile. Topé c'est la kaba conseil ce qui bosse dans Nabaka ya Kolobela. Et ce que nous allons faire, Rezali, que Kanayo Kolobate, Kopé sa kombo na yote, Loba Kanayo, le col a un exemple que vous donnez. Que le col a par exemple un citoyen boyé, à l'ouma kimbo kanabiso boyé, à zala qui a problème ya boyé, mais si quoi, babengiye, le tribunal, pardon, babengi le tribunal, babengi pour l'interview. Comment est-ce qu'il faut se défendre et puis bah prévenir les gens qui ont besoin et bah questionner les gens qui ont besoin na ba juge ou bien na ba officier immigration. Alors nous allons tenter de répondre et nous avons aussi aval moko il y a ba organisation il y a ba réfugiés en Australie mais il parle anglais bah ko ya na live na biso na ba live na biso pour que bah expliquer raison mingi oyo ba rejetaka bakaya ba congolais par exemple en Australie na Nouvelle-Zélande et moi-même je vais parler sur ba pays mususu ya Asie et na ya Amérique na Europe donc tozo luka ba congolais ba avocat o bazo ke funda bato bazako ke funda bato parce que bato na ba lobeli Félix les avocats qui ont eu cette opportunité nos frères Luba o bazali na Occident na Amérique partout au lieu de attaquer, puis souvent qu'on est confondu à bateau, oh, il va le bénir. Vous pouvez venir, oh, voilà, vous pouvez venir na live na biso, pour expliquer par exemple, voilà le quoi en États-Unis, bah Congolais, oh bah y a quoi boire kangunda, voilà bah erreur rebelle, oh yo bah salaka, na kosamba na bango, voilà et loko bah koyi kosala, et bandeko oh bazali koyoka. Et pèse bango et ko pèse bango maté ya pour que ba ke ne ko sala face na ba juge ou bien de bato immigration bino bozo de la kaka biso avocat soyi muto alobi ke Félix pour na makamba ba réfugié ba zone sa ba réfugié boyete to moni ba avocat ya Félix oh biso to zali ba luba biso zali ba avocat o lobi ne na lelo moto moko a demanda kate de ce que Félix a dit na matière ya immigration ça ne se fait pas comme ça pour na ko faire rêver retourner ba réfugié ça ne se fait pas comme ça kaka ko finga kaka ko finga koluka osala kanini otangi saka wapi osala, mais oyebi très un avocat ayebi koluka resala recherche te pona mutu un avocat ki se dinga na za avocat na Suisse na sala soki 20 ans na Suisse na za avocat mais un monsieur comme yombi ki parle na pesi kombo na complet un avocat o asali 20 ans na carrière na ye ayebi koluka te ki est monsieur yombi un avocat. Yango tolo baka bozala kola ba chinois diplôme moko bato bako sa elango même 10 diplôme moko muke ndiazui kadi makosala nango ntumba kosala nango ilunga kosala nango chibu abo kosala nango mais mukolo diplôme za moko donc to sala ndengo ana mais so to monique avec le numéro de téléphone ba bêtise kozala. Là, nous allons prendre d'autres mesures. Il y a que ça, l'angombe toqué dans ma chambre, moko. Il y a que Kanga à huis clos, na ba réfugié comme ça, tu vas le consoler la bango. Voilà. Merci beaucoup pour la lélo, pour la rosa lavana, pour la qui est belle. Bochaka ba like, bochaka ba bandeko o ba s'abonnerte, ba s'abonner pour que tout soit là. Famille est en dengoana. Toujours potana, kaka toujours potana. Ma belle Zali qui est comme qui est ennemi. Opposition politique est qui est ennemité. On peut s'opposer politiquement. Tout le monde a un bon vandi. Ba opposant politique, ba soigné, ba soigné, ba bundi. Na parlement, ba coréen, ma kofi, pendant le temps, ma kofi. Na poko, na kofi, kouta bango, na ba restaurant, ou eza pemeni a parlement, ba zolia. Tout ça, ba ennemité. Tout ça, ba opposant. Bozali na pouvoir, tout ça, na opposition, tout ça, contredire, tout ça, critiquer, ma kambozo loba, pour y même, bino bo changer. Bino ma kambozo loba, au lieu et aider bino pour bo changer, bino bozo qui peut que tu ma kambozo loba te, bozo mona que tout, et ça bien, et ça normal, bozo attaquer biso physiquement et moralement, bozo attaquer biso. ezalaka ndenge wana te ezalaka ndenge wana te alors makambo ya pays ekoma makambo ya tribu te biso tozokondane bino parce que bino bozokomprendre te ke le pays eza tribu te moto ya tribu s'il devient président de la république on ignore sa tribu il devient national. Mais ce que nous condamnons et pas nabino, c'est que moto akoyi kolobela ndeko oyo te aza président, ce qui moto lobeli moto aza président, c'est-à-dire on s'attaque à sa tribu. Non, on ne s'attaque pas à votre tribu. Nous dénonçons votre comportement. Mabe ezali, il se comporte très mal. La situation est critique. Voilà. Donc, merci pour na lero na robi ba merci mingi hein, na zo kenika te. Kalingi bino mingi ngo na zo linga toujours ko tika na bino bon. Voilà. Ere leki butu malamu ba o bazali na Afrique ou bien na Europe. Poko malamu na ba o bazali na Amérique et puis journée malamu na o bazali na Asie. Merci beaucoup et tokutani bana sima. Allez, bye. Cette histoire, excusez-moi. Oh, mais et là on a quand même son. Oh my God, ok.